Cours numéro 2. بسم الله الرحمن الرحيم فهذا هو الدرس الثاني في هذه الرسالة العظيمة. Donc on commence بإذن الله عز وجل le deuxième cours de cette risale. Qui c'est qui nous rappelle le titre? تفضل. شهادتي الإسلام. مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام. شهادتي الإسلام أي les deux شهادات. Il va traiter quel sujet dans cette risale? عندما عندك بالعربية التوحيد. توحيد العبادة. توحيد الألوهية. Il va expliquer ces deux شهادات pour clarifier, pour détailler هذا التوحيد. C'est qui l'auteur? نعم. حافظ ابن أحمد الحكمي. Son prénom c'est حافظ. Et on avait lu dans le premier dors une brève biographie de l'auteur rahmatullah alayhi. Il a débuté cette risale avec une nasiha azima fi taqwa Allah. فما معنى التقوى؟ تفضل اخي. تفضل. العمل بطاعة الله. العمل بطاعة الله أولا، أي أبيغ الله سبحانه وتعالى على نور من الله. على نور من الله أي بعلم. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. دونك أبيغ الله سبحانه وتعالى بعلم زيد. نعم. ويرجو ثواب الله. رجاء ثواب الله عز وجل. Et il espère la récompense. Ça c'est son but, son intention. Cette adoration c'est que pour Allah. Et il espère la récompense. Tout ça avec ilm. لابد من الإخلاص. Et faire cette ibadah comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. أي بعلم. زيد. نعم. وترك معصية الله عز وجل. سكرتي كذلك des interdits. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit. Ou son messager sallallahu alayhi wa sallam. زيد. على نور من الله. Tout ça بعلم. لأن تعلمون أن بعضهم ils exagèrent. ربما il interdit une chose. Ou il délaisse une chose. En pensant que c'est un bien pour se rapprocher d'Allah عز وجل. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas interdit. Bardohum ils délaissent le mariage, bardohum ils délaissent des nourritures, bardohum ils exagèrent. Mathalan ils jeûnent et ils s'exposent au soleil pour souffrir, ils pensent que c'est mieux. Tout ça, ça fait partie de l'exagération. On s'écarte des interdits sans exagérer. Ce que Allah il a interdit, il a interdit. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas interdit mathalan de manger de la viande, de se marier. Donc délaisser en pensant que c'est un bien et vouloir la récompense, ça ne fait pas partie de taqwa Allah. Ça c'est de l'exagération. Zid. Naam. Wa yakhaf aw makhafata 'iqab Allah 'azza wa jalla. Et il craint, ce muttaqi, il craint le châtiment d'Allah 'azza wa jalla. Hadhihi hiya at-taqwa. Et ce ta'rif c'est, ou ce ma'na, c'est Talq ibn Habib rahmatullah alayhi qu'il l'a cité et on l'a détaillé avec la parole de l'imam al-Zahabi rahmatullah alayhi. Thumma, il démontre en Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé pour quelque chose de précis. Indaman tfaddal. Khalaqana lil'ibada. Allahu khalaqana lil'ibada. Ma dalil? Qala Allahu azza wa jal وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Donc, Cheikh Al-Hakami, rahmatullah alayhi, dans cette introduction, il nous conseille de بِالتَّقْوَى. ثُمَّ رَحْمَتُ اللَّهِ, il nous montre أن الله سبحانه وتعالى il nous a créé que pour هذا. Que pour التَّقْوَى, que pour l'ibad. Et il cite le délit. Et aujourd'hui, il va rentrer dans le sujet, أي التوحيد, et il va nous démontrer أن الله سبحانه وتعالى ست عبادة إلا accept que من الموحدين que ceux qui ont حقق لا إله إلا الله. أما المشرك même si في الصلاة أو اليهودي النصراني أي كافر أي autre qu'un مسلم même s'il fait salat, même s'il a un bon comportement, même s'il ne ment pas, même s'il aide les orphelins, les pauvres, il fait des dons, tout ça, c'est pas accepté indallah. Pourquoi? لأن الله عز وجل nous a créé pour l'ibad. Et l'ibad a accepté qu'avec cette condition, al-ikhlas. Et bien sûr, on verra la deuxième condition, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la deuxième shahada. Donc c'est une risala muhimma, jiddan. Toutes tes œuvres, elles dépendent de ce fondement. Si la ilaha illallah, elle est prononcée avec sincérité, thumma, on applique. Il y a des choses qui, il y a des conséquences par rapport à cette kalima, des choses qui vont découler de cette kalima min al-a'mal. Et al-insan il meurt ala hada, fa inshaAllah il est min ahli al-jannah. Donc la base c'est cette shahada. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a cité en premier dans les piliers de l'islam. Il y en a tout ce qui vient après c'est fondé sur ce pilier. Fa al-tawhid c'est asl al-usul. C'est le fondement de tous les autres piliers. فَلَا يَكُونَ الْإِنسَانِ مُسْلِمًا إِلَّا avec ce tawhid. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْجَامِعْ لَهُ كَلِمَةٌ خَفِيفَةٌ أو خفيفة اللَّفْ واسعة المعنى جليلة القدر وهي لا إله إلا الله. أي هذا التوحيد qu'il a cité dans son introduction, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ قَالَ فَأَخْبَرَنَا تَعَالَى أَنَّهُ مَا خَلَقَنَا إِلَّا لِعِبَادَتِهِ وَالْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ ثُمَّ قَالَ وَقِوَامُهَا الَّذِي لَا قِوَامَ لَهَا بِدُونِهِ هُوَ التَّوْحِيدُ الَّذِي أُرْسِلَتْ بِهِ الرُّسُلُ وَنُزِّلَتْ أَوْ أُنْزِلَتْ بِهِ الْكُتُبُ. Ce tawhid que Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé les messagers que pour le propager. Il a révélé les livres que pour ce tawhid. Hada tawhid, c'est le sens de cette parole que chaque musulman il doit prononcer. La ilaha illallah. Kalimatun khafifatul lafz. Très simple à prononcer. La ilaha illallah. Qal wasi'atul ma'na. Mais le sens il est immense. Et cette shahada, son sens il va impliquer beaucoup de choses pour le musulman. Ce n'est pas qu'une parole qu'on doit prononcer. Là, La ilaha illallah, c'est une parole avec la langue, c'est une croyance avec le cœur et c'est des œuvres. Qala jalilatul qadr. Elle a une valeur énorme indallah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya la ilaha illallah, kalimatu shahadati wa miftahu daris sa'ada. C'est cette parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré pour devenir musulman. Cette parole que chaque musulman il doit tout faire pour mourir. En croyant à son sens, en l'appliquant. قَالَ فَهِيَ أَصْلُ الدِّينِ. C'est la base de notre dîn. مِفْتَحْ دَارِ السَّعَادَ. C'est les clés du bonheur fi dunya wal akhira. لِيَنَّ الْمُؤْمِنِ Allah subhanahu wa ta'ala il lui facilite. Même s'il est éprouvé, فَفِي الدُّنْيَا il est à la khayr. Pourquoi? لِأَنَّهُ il prononce cette shahada. Il la comprend et il l'applique. كذلك في الآخرة. في الآخرة, cette shahada, c'est les clés pour le jannah. وأصل الدين وأساسه, c'est la base du din. On n'a pas le droit de délaisser le fondement, la base, et se préoccuper avec d'autres choses moins importantes. بعض الناس, il fait le hajj, il fait le siyam, il sort le zakat, et il ne fait aucun effort fi tahqiq at-tawhid. Très rapidement, il peut contredire ce tawhid. Et c'est très grave. لأن الشرك, ça annule les œuvres. Donc, se concentrer sur la base et préserver ses œuvres, même si elles ne sont pas nombreuses, c'est afdal que de faire des efforts dans une chose et la base n'est pas solide. Et à tout moment, tout peut s'effondrer, il peut tout annuler. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé certains de ses compagnons radiyallahu anhum pour faire ad-da'wah, la première chose qu'il leur disait de enseigner, de propager, at-tawhid. S'ils acceptent at-tawhid, montre-leur as-salat, as-zakat, etc. même s'il refuse le tawhid, tout ce qu'il fera en refusant le tawhid, ce n'est pas accepté. La in ashrakta la yahbatanna amaluk. Hakada qala azza wa jalla. Celui qui fait du shirk, ses œuvres elles sont annulées. Donc on doit commencer par la base. Tu dois ouvrir la porte et rentrer. Thumma, petit à petit, tu montes. Amma, tu veux monter sans ouvrir la porte. Hada la. Qala rahimahullah. وأساسه ورأس أمره وساق شجرته وعمود فسطاته رأس أمره وساق شجرته. Il compare l'islam à un arbre et les racines, c'est le tawhid. Un arbre sans racines, il n'y aura pas de fruit. Cet arbre, il mourra. Et cet arbre, il a besoin d'être arrosé avec l'ilm. هكذا العلماء يمثلون. بل الله سبحانه وتعالى في القرآن يمثل الإيمان بشجرة. Et cette شجرة, cet arbre, il a besoin d'être arrosé بالعلم. Il a besoin de racines solides. C'est التوحيد. قال وعمود فسطاته. الفسطات c'est الخيمة, c'est une tente. Si tu veux construire une tente ou monter une tente, t'es obligé d'avoir un عمود. T'es obligé d'avoir une chose qui tient cette tente. Si tu enlèves ce bâton ou ce pilier ou cette chose qui va tenir cette tente, la tente elle s'écroule. Et plus les constructions elles sont solides, les bases elles sont solides, plus la construction elle sera solide. La religion du musulman, plus il donne de l'importance à cette base, à ce fondement, à tawhid, à l'aqida, il travaille ses fondements, thumma. Tout ce qu'il fera comme a'mal, ça sera solide. Limadha li'anna al-asas, les fondements ils sont solides. Qala rahimahullah wa baqiyatul arkan wal fara'id mutafarri'a anha mutasha'iba minha mukammilatun laha. Tout ce qui vient après min al-a'mal, que ce soit as-salat, az-zakat, as-siyam, al-hajj, les autres piliers de l'islam. ثم tous les autres a'mal, min al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar wa al-jihad, le bon comportement, toutes les œuvres que le musulman doit faire, c'est pour compléter ce tawhid, et c'est basé sur le tawhid. Et la condition de toutes ces œuvres, c'est cette base, le tawhid. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité an al-iman comme qala sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bid'un وستون شعبة الإيمان 60 برانش فأفضلها قول لا إله إلا الله. La meilleure de ces branches c'est لا إله إلا الله. وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. Et la plus basse c'est enlever une chose qui gêne le passage des musulmans. والحياة شعبة من الإيمان. الحديث إلى في الصحيحين. قال شيخ العثيمين رحمة الله عليه في شرح رياض الصالحين والإيمان بهذا التوحيد العظيم بأنه لا معبود بحق إلا الله. Et on verra, c'est l'explication de cette shahada. لا معبود حق إلا الله. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah عز وجل. Ça, on y verra. إن شاء الله قريبا. يتضمن الإيمان بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. Bien sûr, si on a cette conviction, cette croyance que Allah c'est le seul qui mérite d'être adoré, ça va impliquer annahu c'est le créateur. Lianna, celui qui mérite d'être adoré, c'est le créateur. Tu ne peux pas adorer une créature comme toi. Cette créature, elle est comme toi. Elle a des faiblesses comme toi, elle a des besoins comme toi. Pourquoi l'adorer? Celui qui est adoré, c'est le créateur. Il a des noms, des attributs parfaits. Il a besoin de personne, c'est lui qui donne. Donc on peut revenir à lui, on peut lui demander. Amma, revenir, demander à un makhluk, une créature comme toi qui a des faiblesses, fala. Qala wala yamlik adh-dhur wa an-naf' illa Allah. Yatadhamman kadhalika al-iman bi asma'ihi wa sifatihi kadhalik. Ça va impliquer en Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs. Annahu il voit, annahu il entend, annahu il connaît l'invisible, annahu il donne. C'est pour ça qu'il est adoré azza wa jall. Id la yu'bad illa man 'ulima annahu ahlun lil-ibadah. وَلَا أَهْلٌ لِلْعِبَادَ سِوَ الْخَالِقِ عَزَّ وَجَلْ. Donc personne ne mérite d'être adoré sauf Al-Khaliq, sauf le Créateur. لِمَاذَا لِأَنَّهُ il a des صفات, des attributs parfaits. Donc on peut l'adorer. قَالَ رَحِمَهُ اللَّهِ لِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ Et c'est ça, shahid, c'est pour ça qu'on a cité kalam Cheikh Ibn Uthaymeen huna, a'la shu'ab al-iman. C'est pour ça que cette kalima, c'est la plus haute branche, la branche la plus importante de l'iman. Et là, tout le reste, c'est basé sur cette, sur ce fondement. Wa afdaluha wa man khutima lahu biha fil hayati ad-dunya fa innahu yakun min ahli al-jannah. C'est pour ça que celui qui meurt et il a compris ce tawhid, il l'a appliqué et il l'a pas contredit bi shirk akbar wal iyad billah. Fa hadha il est min ahli al-jannah. Il fait partie des gens de al-jannah. Pourquoi? Li annahu il a adoré et il est mort ala at-tawhid. Il a adoré Allah azza wa jall seul. Même s'il a eu des faiblesses dans d'autres choses. Ma'ana al-muslim, il doit faire des efforts. Lakin, ça arrive qu'il faiblit dans certaines choses ou il délaisse. Lakin, la base, elle est muhaqqaqa. Amma, ba'duhum, robbama, beaucoup de salawat. Il a fait le hajj plusieurs fois. Il était généreux, il avait un bon comportement. Lakin, la base, haqqullah, azza wa jal. C'est le droit d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme le hadith mu'ad. Haqqullah ala al-ibad, ya'buduhu, la yushriku bihi shay'a. Haqqullah azza wa jal, le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas rempli. Et il fait des efforts, fi haqq al-ibad. Un bon comportement, il ne vole pas, il ne ment pas. Ça c'est tayyib, haqq al-ibad. Lakin, il ne faut pas négliger le droit le plus important. Haqqullah azza wa jal, at-tawhid. Kalam Cheikh Ibn Uthaymeen, il est mufid. Na'am, sharh, on a dit Riyad al-Salihin. Qala Cheikh Hafid rahimahullah. متفرعة عنها متشعبة منها مكملات لها مقيدة بالتزام معناها اي ça c'est important مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها et ça on le détaillera inshallah dans la première condition de la ilaha illallah il a répété on détaillera هنا المهم ان cette kalima elle a une معنى elle a un sens. On doit faire des efforts pour comprendre le sens. Si on a compris, la ilaha illallah, c'est la parole la plus importante. C'est la parole la plus bénéfique. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime cette parole. Allah azza wa jalla, il nous a créé que pour cette parole. Est-ce qu'on doit faire des efforts pour la comprendre? Non. Enfin, c'est malheureux de voir que certains musulmans, cette kalima, ils ne lui donnent pas d'importance. S'il la prononce, il la prononce, et Rabbama, si tu lui poses la question, explique-moi cette parole que tu viens de prononcer, il ne pourra pas. Et la traduction, ça ne suffit pas. Donc, cette traduction, elle est mauvaise. Il n'y a de Dieu que Dieu. On doit comprendre c'est ça le ma'na. Et si on l'a traduit, personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Azza wa Jal. C'est le sens. Si tu as compris ce sens, ça doit impliquer l'amal. C'est pour ça qu'il dit l'amal bi muqtadaha. Enfin, maintenant, si on dit la ilaha illallah, on a compris. On doit adorer que Allah Azza wa Jal. On n'a pas le droit d'adorer un ange, on n'a pas le droit d'adorer un mort, on n'a pas le droit d'adorer un prophète. Notre vie, ça doit être fondé sur had. Si ton enfant, il tombe malade, tu n'as pas le droit de demander à un sorcier, t'as pas le droit de revenir à un mort pour lui demander la guérison, t'as pas le droit. T'as prononcé cette kalima, pourquoi tu reviens pas à Allah Azza wa Jal? Est-ce que t'as des doutes? Si t'as pas de doutes, reviens à Allah Azza wa Jal. Est-ce que Allah il est capable de guérir cet enfant? Non. Donc demande à Allah Azza wa Jal. Tu dis la ilaha illallah. Demander à autre qu'Allah dans une chose que seulement Allah il peut donner, c'est une ibad. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ad-du'a huwa al-ibad. Toutes tes du'a, ayyuha al-muslim, c'est que pour Allah. Ba'd an-nas, il achète une maison et une rumeur comme quoi il y a des djinns, pour que ces djinns sortent, il égorge pour ce djinn. Il sacrifie une bête pour ce djinn. Alors que Allah Azza wa Jal yaqul qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Ta vie, ta mort, tes œuvres, parmi ses œuvres, as-salat, et le sacrifice, c'est que pour Allah. La sharika lah. Tu n'as pas le droit de lui donner des associés. Tu le trouves, il se prétend musulman, il dit shahada, peut-être plus que toi, thumma. Cette rumeur, comme quoi il y a des djinns, il égorge pour le djinn, pour que le djinn y sort. Est-ce qu'il a adoré autre qu'Allah? Non. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la'anallahu qu'Allah maudisse celui qui sacrifie pour autre qu'Allah. Pourquoi, s'il y a des djinns, si c'est vrai, awwalan, tu ne demandes pas Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah subhanahu wa ta'ala yusrif al-shar'ank. Tu reviens à Allah subhanahu wa ta'ala et tu patientes. On a cité quelques exemples pour montrer que cette kalima, ce n'est pas qu'une parole qu'on prononce. C'est une parole qu'on prononce et une parole qu'on doit vivre avec en tant que musulman. C'est la base de notre deen. بعض الناس ربما une chose futile, une lettre, مثلاً, إما pour un emploi, إما une lettre de la justice ou مهم, une chose de dunya, si c'est pas lire, prends l'exemple de la génération de nos parents, il fait tout pour qu'on lui montre, qu'on lui traduise. Et rien n'est une simple traduction, ça suffit pas. Il te laisse pas tant que tu lui as pas expliqué kalima kalima. Un charh, il veut de cette lettre. L'imad, il sait que cette lettre, ça peut être un bien pour lui, ou ça peut lui causer un mal, s'il ne va pas à ce rendez-vous. Enfin, il fait tout. Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'arrive pas à lire ses lettres, un tome là. Même s'il ne sait pas lire, il trouvera quelqu'un qui lui montre. Pour aller à ce rendez-vous, pour payer, pour s'il a un haq à prendre, il le prend. Amma fait din, fait kathir, minan nas, ils ne font pas d'efforts. C'est pour ça que tu trouves, ils se font du mal. Lil asaf. Et le but, nous, de cette risala, c'est had. C'est de faire des efforts et donner de l'importance aux choses importantes. Et la chose la plus importante, de l'ittifaq, il n'y a aucune divergence, c'est at-tawhid. Qala, rahimahullah, fahiyya al-urwati al-wuthqa, allati qala Allahu ta'ala, man yakfur, il manque le fa, faman yakfur bil-ta'ut, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa, l'anfisam laha. Al-Aya, min surat al-Baqara. À partir de là, Cheikh Hafiz al-Hakami, rahmatullah alayhi, il va citer des ayats, des versets du Coran qui montrent l'importance et les bienfaits de cette kalima. La ilaha illallah. Donc, c'est al-urwatu al-wuthqa. Faman yakfur bil-ta'ut wa yu'min billah. Et on verra, c'est cette condition. Cette condition, elle est importante et on la détaillera dans les conditions, inshallah. فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ. Et beaucoup de salaf, ils ont expliqué الْعُرْوَةُ الْوُثْقَ بِلَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ. Parmi eux, Saïd ibn Jubayr et Anas كذلك رضي الله عنه, il a démontré que c'était le Coran et l'imam al-Suddi, il a montré que c'était l'islam. L'imam le Kathir, après avoir cité tous ces aqwal, قال وكل هذه الأقوال صحيحة لا تنافي بينها. نعم, العروة الوثقى, tu trouveras dans certains tafasils que c'est le Coran, ou que c'est l'islam, ou que c'est la ilaha illallah. Fil haqiqa, il n'y a aucune contradiction. لأن l'islam, la base, c'est le tawhid. Al-Quran, كله التوحيد, كما بين ابن القيم رحمة الله عليه. Al-Quran, c'est le tawhid. Ça nous montre le tawhid, ça nous met en garde contre ceux qui khalifent le tawhid. Donc, il n'y a aucune contradiction dans ces aqwal. قال وهي العهد التي الذي ذكر الله تعالى في قوله لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. العهد كسيتي في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أو لا يملكون الشفاعة, نعم, إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. Personne ne pourra profiter de الشفاعة أو faire الشفاعة sauf s'il est mort à la التوحيد. العهد هنا ils l'ont expliqué par التوحيد. قال الإمام ابن كثير رحمة الله عليه هي شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. إلى رابورتي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله وهي الحسنة التي ذكر الله عز وجل ذكر الله عز وجل في قوله من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. Celui qui veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala bi khayr et كذلك ne pas avoir peur yawm al-qiyamah, cette hasana azima. Et cette hasana, ils l'ont expliqué, man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha. Al hasana ay la ilaha illa Allah. Qala wa hiya kalimatul haqq allati dhakara Allah 'azza wa jalla fi qawlihi illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Ça nous montre anna cette shahada, c'est le haqq. أي لا إله إلا الله وهم يعلمون أي يبخلون cette شهادة بعلم. Et on verra cette condition inshallah, la première condition العلم. وهي كلمة التقوى التي ذكر الله تعالى في قوله وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. سورة الفتح. مجاهد رحمة الله عليه, قبله ابن عباس رضي الله عنهما, كذلك عطاء قتادة وغيرهم, ils ont expliqué أنه ستأ لا إله إلا الله. وألزمهم كلمة التقوى. كلمة التقوى هنا سي لا إله إلا الله، وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى dans ce verset سي لا إله إلا الله. On détaillera pas, نحن on détaillera pas تفاسير الآيات, ça prendrait trop de temps. المهم c'est de comprendre أن الله سبحانه وتعالى il a cité الشهادة dans plusieurs versets avec des awsaf différents, avec des noms différents. قال وهي الحسنى التي ذكر الله عز وجل في قوله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Obligé d'avoir cette condition التوحيد. فأما من أعطى واتقى, il donne, il était généreux, واتقى, il faisait les obligations, il s'écartait des interdits avec cette condition وصدق بالحسنى التوحيد. Celui qui a rempli cette condition, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite fil dunya wa fil akhirah. وهي القول الثابت الذي قال الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الآيات القول الثابت قال الإمام البغوي رحمة الله عليه في تفسيره يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت قال كلمة التوحيد وهي قول لا إله إلا الله. Donc celui qui prononce cette shahada sincèrement et il l'applique, etc., Allah subhanahu wa ta'ala yuthabbituh, il sera raffermi, Allah il le waffaq fi dunya, fi hayat ad-dunya, yani qabla al-maut, avant de mourir Allah subhanahu wa ta'ala il le facilite, il meurt à la tawhid, il la prononce et il meurt ala hada. Pourquoi? Parce qu'il a vécu à la tawhid, fa Allah subhanahu wa ta'ala il est juste, il le fait mourir à la tawhid. Wa fi al-akhirah qal yani fi al-qabr, n'am, dès que les deux anges vont descendre et les questions lui seront posées, il pourra répondre. Limada li'annahu c'est un mouhid, il est mort ala ash-shahada. Prends l'exemple du munafiq. Munafiq, il prononce la ilaha illallah comme toi tu la prononces. Lakin, au fond de lui, c'est un kafir. Il n'est pas convaincu, il a des doutes, il déteste l'islam. Il la prononce pour préserver son sens, ses biens. Fa fil qabr, il ne peut plus répondre. Man rabbuk, ha ha, il ne sait pas. Il ne peut plus répondre. Lianna fil qabr, c'est al-haq qui parle. Tu ne peux plus, il n'y a plus de mensonge. C'est quoi la différence entre ce mu'min et ce munafiq alors que les deux, ils prononcent la même parole? Les deux, ils faisaient salat. Les munafiqins, ils font salat, ils font le hajj, etc. C'est quoi la différence entre les deux? Hada, il a dit la parole avec sincérité. Il a rempli les conditions qu'on citera, inshallah. Et al-munafiq, c'était une simple parole qu'il prononçait. Elle lui a été d'aucune utilité. Yani fil qabr. Hada huwa qawl akthar ahl al-tafsir. Hada kalam al-imam Baghawi, rahmatullah alayhi, dans son tafsir. Qala wa anha yas'alullahu ar-rusula وأممهم حيث يقول تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الله سبحانه وتعالى demandera sur cette kalima aux messagers et كذلك aux communautés, aux gens. Le messager, est-ce qu'il a propagé? Et les messagers, ils ont propagé. Et chaque peuple, par rapport à son messager, est-ce qu'il a accepté ce message? Ça nous montre le message, la base du message de ce messager, que ce soit notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou avant lui les autres messagers, Moussa, Isa, Ibrahim et tous les autres, annahum Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyés bit tawhid. Comme a dit Azza wa Jal, wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, j'ai envoyé les messagers que pour la ilaha illallah. À la fin, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul fa'budun. أي أبليك أدور الله عز وجل السل فيقول للرسل ماذا أجبتم ويقول للأمم ماذا أجبتم المرسلين. Tout le monde sera interrogé par rapport à ce tawhid. وفي الحديث لو أن السماوات السبع والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. L'importance de cette shahada, elle est plus lourde في الميزان que les cieux et les terres. وفي السنة d'autres hadith في فضائل لا إله إلا الله. Et avant de les citer, on lit la parole de Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi, كما في رسالة كلمة الإخلاص لابن رجب رحمه الله. الإمام ابن رجب إلى أن رسالة طيبة في التوحيد كلمة الإخلاص رحمتullah عليه. قال سفيان ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. la plus grande ni'ma. Fahmadillah. Ahmadillah que Allah subhanahu wa ta'ala et t'a facilité des doros pour comprendre cette kalima. Tu la prononces, walillahilhamd, tu l'aimes, tu essaies de la comprendre, tu fais tout pour ne pas la contredire. C'est a'zam ni'ma. Ma an'am Allahu ala 'abdin min al-'ibad ni'matan. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas donné une ni'ma, un bienfait à un serviteur plus grand que la ilaha illallah. An 'arrafahum la ilaha illallah. Pas que la prononcer. La prononcer, c'est une ni'ma azim. Lakin, avec la compréhension et l'application. Et parmi les hadiths qui démontrent les bienfaits de la ilaha illallah, hadith Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. Donc celui qui témoigne que لا إله إلا الله est محمد رسول الله وعيسى عبد الله ورسوله رد على النصارى et كذلك رد على اليهود. عيسى عند المسلم c'est عبد, c'est pas إله. Allah, il n'a pas de fils. Isa, pour nous, un musulman, c'est un abd. C'est une créature parmi les créatures d'Allah Azza wa Jalla. Et Allah, il l'a élevé par risala wa rasul. Raddun ala al-yahoud. Yata'anoun fi Isa. Fa le musulman, il n'exagère pas. Et kadhalik la yata'an. Il respecte Isa et il l'aime parce que c'est un messager. Lakin, il a la conviction que c'est un serviteur, c'est une créature et c'est un messager. Qala. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق كذلك. Ce muslim, il a la conviction que le jannah c'est haq, c'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le jannah, une récompense pour ceux qui lui obéissent. والنار حق, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé le nar et c'est un châtiment pour ceux qui désobéissent. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait rentrer في الجنة على ما كان من العمل, quel que soit ses a'mal. Lakin, bien sûr, il doit adorer Allah Azza wa Jal, il doit s'écarter du shirk. Lakin, s'il a des faiblesses, s'il a des manquements, il sera sauvé par son tawhid bi'idnillahi Azza wa Jal. Donc, c'est sur ça qu'on doit travailler nahnu en premier lieu. Wa 'an 'Itban radiyallahu anhu, 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Vous remarquerez que hadith la ilaha illa Allah, souvent il y a une condition. Ce n'est pas une simple parole qu'on doit prononcer. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Son but, c'est la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Donc il est sincère. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui interdit annahu il reste en enfer. Même s'il est châtié pour des péchés, un jour ou l'autre il rentrera fil jannah. Limadha li annahu il est mort ala tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, il a jugé annahu al-muwahhid, il peut pas rester en enfer éternellement. C'est un fadl azim. Al hadith il est dans le sahihain. Kadhalik hadith Ubada il est dans le sahihain. Et d'autres hadith kathira. Et inshallah, le prochain dars, après avoir cité dans ce dars les fada'il, les bienfaits, le prochain dars on commencera l'explication, les conditions. On a sallallahu subhanahu wa ta'ala tawfiq. C'est compris? Tamam. Hayyakum Allah.